TER Hauts-de-France en provenance de Paris-Nord et à destination de Boulogne-Ville, départ 13h10, entrera en gare, voie 1. Il le fera sans arrêt. Le TER Hauts-de-France, en provenance de Boulogne-Ville et à destination de Paris-Nord, départ initialement prévu à 13h, entre en gare. Étape le Touquet. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez emprunter le passage souterrain. Le TER Hauts-de-France, à destination de Paris-Nord, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Le TER Hauts-de-France, à destination de Boulogne-Ville, départ 13h10, partira voie 1. Il le fera sans arrêt. Le TER Hauts-de-France, en provenance de Camézine et à destination de Randufflier-Vertonberg, départ 13h14, entrera en gare voie 2. Il sera sans arrêt jusqu'à Randufflier-Vertonberg. Le TER Hauts-de-France, en provenance de Paris-Nord et à destination de Boulogne-Ville, départ 13h10, entre en gare. Étape le Touquet. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez emprunter le passage souterrain. Le TER Hauts-de-France, à destination de Randufflier-Vertonberg, départ 13h14, partira voie 2. Il sera sans arrêt jusqu'à Randufflier-Vertonberg.